Bonjour chers auditeurs et auditrices de la radio Isanganiro. Nous sommes samedi le 10 décembre 2022, le journal de la mi-journée langue française. Et tout d'abord les titres. 2 millions de francs burundais, le montant que le PAEJ va donner aux 32 coopératives et des jeunes du nord de la ville de Bujumbura. Vous allez le suivre dans ce journal. Et il est nécessaire de réviser la loi de 2005 visant la protection des personnes séropositives. Requête de présenter des personnes en situation du VIH-SIDA ce samedi à l'endroit de la journée mondiale de lutte contre le SIDA. Et les impôts que l'État burundais veut imposer au centre des handicapés, ce Jean Bosco de Muyinga risque de limiter ses prises en charge. Voilà pour les titres. Et le Kuimana sur la mise en onde de Jean-Marie Mayonga à la présentation. Rebonjour et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. 2 millions de francs burundais et le montant que le PAEJ qui appuie les projets des jeunes va donner aux 32 coopératives et des jeunes du nord de la ville de Bujumbura. Cela a été dit ce samedi par le directeur du centre jeune Kamenge qui supervise les projets du PAEJ au nord de la ville de Bujumbura. Abbé Alphonse Ndabiserouye fait savoir que l'agriculture, l'élevage et le commerce sont les projets prioritaires qui seront exécutés par ces jeunes. Il exhorte la jeunesse burundaise de s'impliquer dans le secteur d'innovation pour leur auto-développement. Suivez-le. Aujourd'hui, c'est le lancement officiel des activités du PAEJ. Le PAEJ, ça veut dire Programme d'autonomisation économique et des emplois des jeunes. Nous venons de passer une semaine de formation. Parce que la formation, à travers la parole qu'on dispense, qu'on partage, qu'on médite, sur laquelle on réfléchit, la parole change le cœur. C'est avec cette parole que nous essayons d'aider les jeunes à changer leurs idées, leurs comportements. Bon, on parle souvent de changement de mentalité. Les spécialistes disent que c'est très difficile d'avoir un changement de mentalité. Les gens ne changent pas de mentalité. Mais ils peuvent changer les idées et leur façon de vivre pour les adapter au développement. Alors, les activités prévu, c'est ça cette formation que nous venons de faire cette semaine, et puis la semaine prochaine aussi, la formation dans les filières, et puis les activités proprement dites dans les coopératives. Activités d'élevage, activités d'agriculture, activités de commerce, autant de projets préparés par les jeunes. Quel rappel pourriez-vous lancer à la jeunesse pour s'intégrer davantage dans le secteur d'innovation? Les conseils, d'abord, ce changement de mentalité, que le jeune change, la façon de concevoir les choses, de les adapter au développement, ça c'est le premier point. Deuxième point, être créatif. Quand quelqu'un a vécu en Europe, il a cette expérience, on nous accuse de n'avoir pas d'idée, de ne pas être créatif, de n'avoir pas d'initiative. Alors, le conseil que je donnerai aux jeunes, c'est d'être créatif. Ce projet que vous lancez aujourd'hui va coûter combien d'argent? Le projet que nous lançons aujourd'hui, au total, c'est 200 millions, tout le projet. Mais chaque coopérative va avoir 5 millions d'après les activités qu'il a prévues. Maintenant, ce sont des coopératives qui viennent de commencer. Mais il y a d'autres coopératives déjà développées. Ceux-là, ils peuvent s'adresser à PAEJ pour recevoir 50 millions, 100 millions d'après le niveau de développement qu'ils ont. Restons toujours dans le domaine de la jeunesse. Les jeunes filles qui ont abandonné l'école suite aux grossesses non désirées demandent d'être facilitées pour être réintégrées à l'école et à ne pas être discriminées dans leur famille. Propos de Annick Karitunze, membre de l'association des guides du Burundi, ce vendredi, lors d'une journée d'échange et de conscientisation des messages élaborés par les jeunes sur la réintégration scolaire. Suivez Annick Karitunze. La première piste, c'est l'information et l'éducation sur la santé sexuelle et reproductive pour les jeunes de 10 ans à 24 ans. Là, on informe les jeunes sur leurs droits en santé sexuelle et reproductive. La deuxième piste, on travaille pour chercher les parents, les enseignants, les éducateurs, les encadreurs à soutenir les jeunes filles, en les éduquant sur la santé sexuelle et reproductive, mais aussi on touche aussi les leaders religieux. La troisième piste, c'est le plaidoyer politique, là où on cherche les décideurs pour réviser le règlement scolaire dans certains articles où la jeune fille est victime de grossesse non désirée, réintègre difficilement à l'école. L'activité est en rapport avec les messages élaborés par les jeunes de nos organisations. On demande aux parents de soutenir ces jeunes filles. La jeune fille qui est engrossée doit être victime et subit le rejet familial, le rejet scolaire. Donc, on interpelle aux parents, de soutenir ces jeunes filles moralement, matériellement et de les aider à réintégrer l'école. Au ministère de l'Éducation, de permettre à ces jeunes filles de réintégrer l'école sans condition des papiers exigés, mais aussi dans les meilleurs délais. Radio Isanganiro, le journal continue, page des droits de l'homme, mais la Commission nationale indépendante des droits de l'homme regrette qu'il y ait encore des personnes qui se font justice et ôtent la vie aux autres sous des motifs variés. Le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, Dr Sixte Vignini Murawa, a dit à l'occasion de la journée internationale des droits de l'homme célébrée annuellement tous les 10 décembre. Il a toutefois apprécié les efforts de la justice dans la poursuite des individus qui narguent les instances judiciaires comme s'ils étaient au-dessus de la loi. La CNDH recommande aux populations de dénoncer toutes violations des droits de l'homme auprès des instances habilitées et au gouvernement du Burundi de respecter toujours ses engagements et les engagements internationaux. Page santé, il est nécessaire de réviser la loi de 2005 visant la protection des personnes séropositives. L'enquête de représentants des personnes en situation du VIH-SIDA ce samedi à l'endroit de la journée mondiale de lutte contre le SIDA. Angeline Daichimier, la première dame, appelle les jeunes à ne pas s'adonner à la prostitution qui les fait échouer à leur projet. Le rapport du programme national de lutte contre le SIDA, PNLS, de 2021 stipule que les jeunes présente les effectifs élevés de contamination. Isanganiro, la radio de l'avenir. À 13h passé de 3 minutes, et page sécurité encore d'une personne de moins de 40 ans a été trouvée dans l'après-midi de ce vendredi dans la réserve naturelle de Murehe, précisément à Yanza, dans la zone de Gatare, en commune de Busoni, province de Kirundo. La dépouille a été vue en premier lieu par des personnes qui se rendaient dans la forêt à la recherche des bois de chauffage. L'administrateur de la commune de Busoni, Dismas Nsavimana, qui le confirme, précise que la personne morte était en sous-vêtement et il n'avait aucune pièce d'identification. L'administration, en collaboration avec la police, sont entrés de mener des enquêtes pour pouvoir connaître d'où il vient. Si les enquêtes n'aboutissent à rien, selon l'administrateur, ils vont prendre la décision de son enterrement. En économie, les impôts que l'État burundais veut imposer au centre des handicapés Saint-Jean-Paul, Jean Bosco de Muyinga, risque de limiter ses prises en charge. Sœur Marie-Gorette Abimana, coordinatrice de ce centre, demande que les activités de ce dernier ne soient pas leur imposées, étant donné que les bénéficiaires des revenus générés sont les personnes prises en charge. Tantine Chutina Magara, assistante de la ministre ayant en charge de la solidarité, a promis lors de la visite de ce vendredi effectuée dans ce centre que son ministère fera son possible pour faciliter l'action de ce centre. Le point avec Pierre Claver Barundi depuis Muyinga. Le centre des handicapés Saint-Jean Bosco de Muyinga n'a pas suffisamment de moyens pour aider tous ceux qui sollicitent ses services. D'après Sœur Marie-Gorette Habimana, coordinatrice de ce centre, la situation risque de s'aggraver puisque l'État burundais veut imposer les activités de commerce dont le revenu contribuait à prendre en charge ces handicapés. Les activités génératrices de revenus qui nous aidaient à prendre en charge ces enfants, il y a une nouvelle qui nous est arrivée ces jours-ci, disant que nous aussi, nous devons être enregistrés comme tous les autres commerçants pour payer les impôts. Sœur Marie-Gorette demande que l'État burundais respecte l'accord cadre entre le Saint-Siège et la République du Burundi sur des matières d'intérêt commun. Tantine Nchutina Magara, l'assistante de la ministre ayant en charge la solidarité, a promis lors de sa visite de ce vendredi que son ministère ne ménagera aucun effort pour faciliter les activités du centre. Tout ce qui est dans notre possibilité, nous le ferons pour vous. Nous continuerons d'aider aussi dans le paiement des factures d'eau et d'électricité. Vous saurez que ce centre accueille au moins 50 élèves handicapés par an et une quinzaine d'autres handicapés qui nécessitent une prise en charge chaque mois. Pierre Claver Barundi, Muyinga, Radio Isanganiro. Merci à Pierre Claver Barundi. Juste une page environnement, juste à côté, dans la province de Kirundo. Le gouverneur de la province de Kirundo demande d'être appuyé en matériel pour le traçage des courbes de niveau pour protéger les lacs, car la protection de ces lacs fait augmenter la production. Il a déclaré cela vendredi à l'occasion de la célébration de la journée internationale de l'arbre, célébrée au niveau national sur la colline Marembo de la zone Gisenyi, en commune Busoni de la province de Kirundo. Le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, Dr Nira Gira Sanctus, signale que le rythme de coupure des arbres est supérieur à celui de la plantation par Agnès Normagadze. Une pépinière de plus de 100 000 plants d'acacia seront plantés durant le mois de décembre et que 30 000 de plants de cette pépinière ont été plantés aujourd'hui sur le littoral du lac Chohora, comme l'indique le gouverneur de la province Kirundo. Il informe que les lacs Nagitamo, Gachamirindi et Gweru sont les seuls lacs protégés sur les 8 lacs se trouvant dans la province Kirundo. Comme la même source le fait savoir, après avoir protégé le lac Gweru, la production du poisson augmente. En donnant l'exemple qui est dans le lac, il se trouve des poissons qui peuvent peser jusqu'à 20 kg. Il a aussi ajouté que 40% des taxes communales utilisées par la commune Busoni proviennent de ce lac. Le ministre ayant l'environnement, l'agriculture et l'élevage, Niragira Sanctus, signale que le rythme de coupure des arbres est supérieur à celui de la plantation des arbres par an et cela est causé par une surutilisation de ces arbres. Mais il ajoute que depuis l'an 1992, la superficie en protection des forêts et arbres a augmenté de 3% à 8% et qu'ils espèrent que d'ici 2025, cette superficie sera augmentée jusqu'à 20%. Le ministre Niragira Sanctus interpelle la population de sauvegarder les forêts et surtout ses plants d'arbres plantés. Il a aussi souligné l'avantage de planter des arbres et de protéger les forêts, car cela lutte contre l'érosion et d'autres risques, en signalant que la question de besoin du matériel dans le traçage exprimé par la province Kirundo sera transmise dans l'hiérarchie afin que les lacs soient effectivement protégés. Depuis Kirundo, Agnès Nomagadze pour la radio Isanganiro. Merci Agnès Nomagadze. Et bien voilà, c'est par-ci qu'il nous mettons pour finir à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Et le Kuiman a été de l'autre côté de la vitrine. Jean-Marie Mayungate à la présentation. Bon week-end. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de votre zone d'écoute. La COSESONA s'insurge contre les sanctions dégradantes infligées à certains enseignants par la direction provinciale de l'enseignement à Ruyigi, titre l'agence burundaise de presse. La coalition des syndicats des enseignants pour la solidarité nationale et la défense des droits socio-professionnels appelle les autorités de la direction provinciale de l'enseignement au respect de la dignité des enseignants et d'éviter l'usage de la violence dans les sanctions à leur endroit, écrit ce journal. En effet, explique son confrère, des enseignants auraient été gardés toute la journée devant les cachots du commissariat de police à Ruyigi, sur ordre du directeur de l'éducation à Ruyigi, parce qu'ils ont été en retard à leur travail. D'autres auraient passé toute une journée dans la cour intérieure de la DPI Ruyigi. La COSESONA a fait savoir, toujours dans les colonnes de cet hebdomadaire de l'éducation, que cela venait s'ajouter à un autre incident qui s'était passé une semaine avant, où un enseignant avait été sommé de s'agenouiller devant le directeur de l'éducation à Ruyigi, ainsi que ses collègues du lycée communal Butaganzwa. Il déplore de tels agissements qui viennent dégrader la dignité de l'enseignant et l'humilier dans son métier. Le directeur provincial de l'éducation à Ruyigi dément toutes ces allégations, souligne la BP. Les taximotos au nord de la ville de Bujumbura disent vivre le calvaire, rapporte le journal Iwachu. À 19h, aucun taximoto ne doit circuler. Mais au nord de la ville de Bujumbura, à 18h, des policiers en tenue civile se font passer pour des clients pour confisquer des motos en circulation, dénonce-t-il dans les colonnes d'Iwachu. Ces conducteurs de moto disent que ces policiers leur soutirent 10 000 francs burundais ou plus, en indiquant que beaucoup de motos confisquées sont garées à Sokarti, un camp policier de Kamenge et à la zone de Kinam. Pour eux, poursuit le reporter de l'hebdomadaire Iwachu, la contravention devrait s'appliquer en cas d'infraction, mais la police ne leur donne pas ce choix. Revue de la presse. Quand la valorisation des plantes devient une passion, constate Burundi Echo. Ce journal parle de Laurent Tatiana Bizumuremyi, passionné par la valorisation du sésame sauvage, Umurendarenda, en Kirundi. Ce jeune de 22 ans est étudiante en bac 3 à l'Université Polytechnique de Gitega, dans la Faculté des sciences de l'environnement, département eau, pollution et assainissement. Son idylle avec le sésame sauvage a commencé lorsqu'elle était en bac 1. Elle a été inspirée par un cours intitulé « Systématique végétale ». Dans ce cours, explique son confrère, il s'agissait d'étudier les propriétés des différentes plantes qu'on trouve dans la nature et leur importance. Lors d'une visite d'études, poursuit Burundi Echo, le professeur leur a indiqué les différentes vertus du sésame sauvage, à savoir notamment qu'autrefois les Burundais l'utilisaient pour se laver et pour lessiver les habits. Après des recherches approfondies là-dessus et après s'être documenté, elle a découvert qu'on peut fabriquer des produits cosmétiques à base de cette plante. C'est ainsi qu'elle a déjà essayé de produire du shampoing et elle souhaite produire des pesticides biologiques permettant de repousser les insectes qui se trouvent sur les plantes, surtout pour les espèces maraîchères comme la tomate, l'aubergine, pour ne citer que celles-là, révèle cet hebdomadaire d'information et d'éducation socio-économique. La Tanzanie annule la célébration du 61e anniversaire de son indépendance, note le journal Net Press, qui précise que la décision a été prise par la présidente de la République unie de Tanzanie, Samia Suluhu Hassan. Pour cette personnalité, la fête allait coûter 445 000 dollars américains, un montant qui a été affecté à une autre activité. Selon les informations citées par ce quotidien en ligne, le pays a décidé de construire 8 dortoirs dans les écoles primaires du pays, ce qui est un choix indépendant et responsable, d'après des Tanzaniens qui ont été contactés par l'agence Netpress. Mais dans le pays, il y a une opinion qui se désole, indiquant que la fête était tout de même nécessaire, lance son confrère. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Odendaï Chimie et Jean-Bosco Ndouimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.